d'un oreiller laisse une trace qu'on ne peut enlever. Changer de vie sans y être obligé, oh, juste pour l'aimer, l'aimer de ton mieux, juste te dire que vous pourriez être heureux. Mais aime-la, aime-la, la laisse pas. Aime-la, aime-la, elle n'est plus rien sans toi. Oui, aime-la, aime-la, la laisse pas comme ça. Aime-la, aime-la, plus que toi. Chaque nuit, chaque jour, où elle t'a fait l'amour, là j'ai compris pourquoi c'était si lourd d'aimer en vain sans aucun lendemain. Dans ses yeux si là, remplis de pourquoi, c'est pas comme ça, non, non, quand on aime au-delà. Alors aime-la, aime-la, la laisse pas. Aime-la, aime-la, elle n'est plus rien sans toi. Oui, aime-la, aime-la, la laisse pas comme ça. Aime-la, aime-la, plus que toi. Plus que toi.